Je vais vous parler de Nadie, la femme d'un pêcheur qui a longtemps attendu après lui. Elle vivait au bord de l'étang, dans le Midi, sur un bout de terre, quelques maisons isolées au reste du monde. Ces derniers nomades de l'ancien temps vivaient de la pêche échangeant leur bien pour des rations de pains et de lait. Nadine, derrière eux, Nadie errait au bord de l'étang, vers la pointe de la Vigie, où vivait Sainte-Lucie, gardienne des portes des vents et marées. Elle grimpait tout en haut du rocher, qui domine et surplombe l'immensité de l'eau. Priant le retour de son mari aux côtés de Sainte-Lucie, la gardienne implore le ciel avec ses formules de sorcière, exorcisant les démons des vents et marées. Chavirer du mauvais côté.